Alors, bonsoir. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de Daniel Camp, qui est intitulée « Les mécanismes de l'ennui ». Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Les mécanismes de l'ennui, c'est quoi? C'est ennuyant, ça, comme question. Je pensais qu'on aurait pu partir d'une manière moins... les mécanismes, évidemment, ça définit par là même le processus qui amène l'homme à s'ennuyer. Et puis, l'ennui, c'est quoi? Bien, juste comprendre c'est quoi l'ennui, ça nous explique déjà bien des affaires. Premièrement, l'ennui, c'est la preuve que l'homme est un animal assez spécial parce qu'il n'y a pas grands animaux qui s'ennuient sur la Terre. Et puis, c'est quoi s'ennuyer? Quand on peut s'ennuyer? On va commencer par définir ça pour placer le sujet à sa place. Premièrement, je dis souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent atteindre l'immortalité puis qui s'ennuient les soirs quand il pleut puis qui sont tout seuls chez eux. Alors, ça donne déjà un petit dilemme au niveau de la psychologie de l'homme. C'est quoi l'ennui? T'es dans ton auto, tu t'en vas, tu conduis, tu peux t'ennuyer. Puis le lendemain matin, ben tu t'ennuies pas, tu chantes, tout va bien, t'es bien correct. T'es dans ton bureau, t'es patron, puis tu peux t'ennuyer comme tu peux être en pleine santé, en pleine forme psychologique, tout va bien. T'es chez vous, t'écoutes la télévision, mais il y a des soirs qu'il n'y a aucun programme qui t'intéresse, il n'y a rien à radio qui t'intéresse, il n'y a pas une crime de cassette que t'as qui te plaît, la maison est plate, tout est laid, t'arrives pas à dormir, tu t'ennuies. C'est un manque à combler à quelque part, ça. C'est un manque ou une différence? Ben, dans une différence, tu as toujours un manque. Maintenant, ça dépend toujours du point de vue qu'on se place. Ce qui fait que si tu as, par exemple, connu l'idylle de tes rêves, ben, quand tu n'es plus là, tu t'ennuies. Mais si tu la rencontres pas, tu t'ennuies pas d'elle. Ça, c'est bien important. Okay, l'ennui... Tu t'ennuies de quelque chose, ça va de soi. Tu peux t'ennuyer d'un événement, tu peux t'ennuyer d'un objet, tu peux t'ennuyer de ton char, tu peux t'ennuyer aussi d'une personne. L'événement, ben c'est des jours heureux ou des jours malheureux ou des jours d'action, enfin dépendant, là, tu peux t'ennuyer. On appelle ça souvent la nostalgie. La nostalgie, c'est un ennui. Maintenant, quel est le processus psychologique qui amène l'homme justement à arriver à une impasse? Un impasse moral, un impasse qui peut être plus ou moins total. L'ennui peut porter du monde à se suicider. L'ennui peut porter du monde à prendre des médicaments pour attirer l'attention, pour briser leur ennui. L'ennui, ça va du simple petit « le temps est bien long aujourd'hui, ça passe pas », aller jusqu'à une forme qui est pathologique, là, qui commence à être dangereuse, puis au niveau de la psychologie, l'individu peut faire des choses qui... normalement, il fera pas. Là, je parle du suicide, je parle des intoxications médicamenteuses, je parle de ces choses-là. Alors, ce qui fait que l'ennui, c'est très ennuyeux pour l'homme, parce que l'homme, quand il s'ennuie, s'il n'y a pas une volonté assez forte dans le début de son ennui, bien, l'homme n'arrivera pas à s'en sortir tout seul. Il va falloir que le temps passe, puis que l'ennui disparaisse d'elle-même. L'ennui, ça naît tout seul, ça disparaît tout seul. Sauf que si l'homme est assez intelligent, si l'homme est assez observateur pour voir les mécanismes, comment naît l'ennui, comment vit l'ennui, puis comment meurt l'ennui, ben l'homme va finir par pouvoir contrôler l'ennui. Comment naît l'ennui? Dans la psychologie de l'homme, c'est quoi? Premièrement, c'est un schéma de mémoire. De ses mémoires, de son apprentissage, de ses expériences, de son vécu, de son éducation, l'homme crée une psychologie qui va s'exprimer par des émotions. Alors, tu vas aimer une fleur parce que la fleur suscite en toi certains feelings qui ont été enregistrés dans ta mémoire. Et puis, tu vas aimer voir la fleur parce que en voyant cette fleur-là, la fleur suscite toujours le même genre de feeling. Alors, ce qui fait que la fleur, tu la vois en photo, que tu la coupes, que tu la mets dans un pot, tu l'aimes autant. La fleur, tu l'aimes pas, mais tu aimes le feeling que tu as mémorisé. Si tu apprends dans ton jeune âge que tel genre d'animal, c'est dangereux, ben plus tard, suite à ton apprentissage, suite donc à ta mémoire, tu vas réagir de façon comme si tu rencontrais un animal dangereux quand tu vas voir un chat, par exemple. Si tu as appris qu'un chat, c'était dangereux, parce que ça pouvait griffer ou etc. Bon, les ménagères apprennent que c'est dangereux parce que ça laisse tomber des poils. Fait que bon, ça dépend toujours de ce que tu apprends puis de la personne elle-même. Ce qui fait que plus tu vas apprendre, tu vas créer un mécanisme qu'on appelle l'astral, qui va être un phénomène psychologique, qui va s'exprimer par l'émotion, par l'émotivité. Lentement, ça, de par l'évolution de l'humanité, de par l'évolution du corps physique, l'évolution de son cerveau, on arrive à pouvoir avoir une forme mentale, c'est-à-dire une forme intellectuelle, c'est-à-dire une forme qui te permet d'étudier d'une façon intelligente, d'une façon logique, d'une façon coordonnée, les perceptions extérieures ou intérieures que tu as. un événement ou bien non de mémoire. Mais à travers tout ça, ce qui arrive, c'est que continuellement, l'homme qui développe présentement son corps mental, la forme intellectuelle, présentement est assez développée, mais elle est toujours au service des émotions, comme on le sait. Alors présentement, ce qui arrive, c'est que quand l'émotion s'exprime, l'émotion vit. Quand je parle de l'émotion, parlons plus précisément du corps astral, c'est-à-dire que quand une mémoire vit, quand l'imagination travaille ou quand une émotion, tout ça, c'est le même processus. Quand tu as une émotion, l'émotion vit. Quand tu es en colère, il y a la colère. Mais quand tu n'es pas en colère, la colère n'existe pas. Alors, ce qui fait que l'entité psychologique de l'homme, pour exister, se doit de s'exprimer. Alors, tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas... Il y a différentes énergies, ça peut même s'exprimer en maladie, en conflit physique. Alors, tout ce qui est important, c'est que pour la psychologie elle-même, c'est de s'exprimer. Bon. Alors, continuellement, dedans notre tête, notre pensée vagabonde, là, comme un vieux singe d'un arbre à un autre. Là. Et puis, ça, c'est l'expression qu'a notre mémoire sur le moment. Nous autres, on appelle ça penser, réfléchir. On peut plutôt appeler ça rêver. L'intellect, la partie mentale de l'homme, elle est capable de prendre les mémoires, les placer d'une façon logique, sans être teintée par l'émotivité. Et puis là, elle est capable, elle, de raisonner. Ça, on appelle ça un raisonnement. C'est une forme d'intelligence passive qui est liée à la mémoire. Ce qui fait que si tu n'as pas appris différentes choses, tu ne pourras pas les raisonner. Tu ne peux pas affronter quelque chose que tu n'as pas appris. À travers tout ça, ta psychologie, le phénomène astral dans l'homme, comparativement au phénomène mental, s'exprime. Mais pour s'exprimer, il y a besoin d'un support. Le support, ça peut être un événement. Le support, ça peut être une forme qu'on appelle un but dans la vie, une forme donc mémorielle qui finit par s'agglomérer ensemble, puis ça finit par faire un soutien à notre psychologie, c'est-à-dire que moi, c'est plaisant pour moi de vivre parce que, bon, je veux faire ça. J'aime mon travail, ça c'est un support, ça le support, c'est l'événement. Alors, tu as un événement qui peut devenir un support, un événement que nous, on considère comme étant réel, ou un événement psychologique, c'est-à-dire un désir, un but, une recherche, que ce soit évolutive ou bien non matérielle, ça peut devenir un support pour l'expression de l'astral, pour l'expression de la psychologie de l'homme. Mais quand le support fait défaut, la psychologie n'arrive plus à s'exprimer. Elle cherche un support. Qu'est-ce qui arrive? Le grand vide. L'homme s'ennuie. Alors, ce qui fait que dépendant de la faiblesse du support ou du temps où il va nous manquer un support pour pouvoir exprimer convenablement notre psychologie émotive ou notre psychologie intellectuelle. Les deux, c'est la même chose. C'est ça qui forme le phénomène astral dans l'homme. Si tu n'as pas un support adéquat pour pouvoir l'exprimer pendant un laps de temps court, bien évidemment, tu t'ennuies parce que tu cherches. Il y a un phénomène de chercheur qui s'installe dans l'homme, puis l'homme essaie de... Bon, tu fumes ta cigarette, t'as pas de bon goût, tu mets ta cassette, pis c'est pas ça. Tu vas lire un livre, il est plate. Le temps passe pas, t'es dans un marasme, là, qui est conditionné par le manque de support pour permettre l'expression de ton astral, de ta psychologie. Alors, ce qui fait que si ça dure 6 mois, ben, ça devient pathologique pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme veut pas, lentement, là, il a plus de but à la vie, il se sent inutile, il a besoin d'affection, il a besoin d'attention, il a besoin donc d'un support pour pouvoir laisser s'exprimer, pour pouvoir laisser s'imprégner sa psychologie. Et puis, s'il y en a pas, ben, il vient à un moment donné que tout s'effondre par l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, l'homme qui s'ennuie a l'impression qu'il y a quelque chose qui se défait à l'intérieur de lui. Bien, c'est sûr, c'est tout ce qu'il avait aggloméré en termes de psychologie, en termes de but de la vie, en termes de concept, de philosophie ou de religion. Tout ça arrive à un point où c'est que là, c'est chambranlant, là, puis on ne sait plus comment ça tient. Bon, alors si ça s'effondre, bien, l'individu vient de s'effondrer. Si l'individu a un mental assez puissant pour pouvoir observer ça, l'individu arrive à une libération qui est inconditionnel, libération que certains vont appeler, là, on approche du phénomène de la fusion. Mais c'est rare. Quand il reste plus rien, il reste justement l'homme pour continuer. Bon, alors ce qui arrive, ce qui fait que la personne qui n'a pas un mental ou qui n'a pas une intuition assez forte pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle, j'ai plus de but, je veux plus rien, il n'y a plus rien qui me tente, je tue ma job, qu'est-ce que je fais? Tu restes couché puis tu fais rien, tu te fais plus la cuisine, tu vas même pas manger au restaurant. Pathologiquement parlant, ben, il vient à un moment donné que l'individu s'effondre complètement. Il va finir par être malade. Puis là, ce qui est amusant pas pour l'individu qui s'ennuie, pour les observateurs, si on peut dire, c'est que l'argent va cesser de rentrer. Les amis, lentement, vont s'en aller. La santé peut commencer à se dégrader. Là, je parle d'un ennui qui est à long terme. Mais tous ces phénomènes-là, on les a aussi dans un ennui à court terme. Toi, tu vas téléphoner quelqu'un. Bon, mais merde, je suis tanné, là, je vais téléphoner. Mais s'il est là, je vais aller faire un tour. Il est pas là. T'en appelles un autre. Il est pas là non plus. Ben non, il est occupé. T'as plus d'essence dans ton char. Ça fait peut-être une semaine que t'es pas rentré travailler. Ben non, t'es en maladie, congé de maladie ou n'importe quoi. Le petit ennui imbécile qui va traumatiser l'homme. T'es dans le métro. T'es assis dans ton métro, puis tu t'en vas. Puis là, tu te laisses brasser, là, tu te laisses charrier. Puis le Berry de Montigny-Allais Henri Bourassa. La première fois que l'homme le vit, l'homme observe. L'homme découvre. Il y a un support. Il y a un événement qui devient un support à sa psychologie, à son intérêt. Si tu mets un wagon neuf, c'est moins plate s'en aller de Berry à Henri Bourassa. Mais si c'est le même wagon depuis 5 ans, que le gars s'assoit dedans jour et soir, matin et soir, ben là, il vient à un moment donné que le support là, commence à être pas mal dérisoire, c'est-à-dire que l'homme connaît déjà tout ça. L'homme qui va faire ce transport-là s'ennuie. Il y en a qui vont lire un journal. C'est pour ça que les journaux pognent tant. Le journal brime l'ennui à la condition d'être frappant. Alors, on met donc des nouvelles, justement, qui vont bouleverser, qui vont aider la psychologie de l'homme à s'exprimer, donc aider son émotivité, elle va donner un support à son émotivité. T'as des accidents, t'as des meurtres, t'as gagné à la loterie, donc t'es jaloux, t'as... Ça peut aller selon l'intérêt de l'individu aussi. Évidemment. Sauf que là, l'individu qui a toujours un support. Si toi, tu aimes lire des choses intellectuelles, tu lis. Si tu arrives du cégep, t'es emballé par le cours que tu suis, t'étudies. Bon, etc. Mais là, l'individu qui, lui, s'assoit puis qui fout rien, puis qui s'en va jusqu'à Berry. Puis il sort de là, là puis tu sais, il y a 15 minutes à faire en métro, là, puis ça y a plein de monde là-dedans, plus toutes les conditions humaines qui en découlent, chaleur humaine qu'on appelle ça, dépendant de l'odorat du monde. Alors ce qui arrive, c'est que quand tu arrives à Henri Bourassa, ben tu sors de là, puis tu prends l'autobus, puis t'as encore une demi-heure l'autobus à faire. Ben ça, c'est un moment d'ennui pour l'individu, parce que l'individu n'arrive pas à mettre un support. Si tu t'accotes simplement, tu te mets à rêver, tu mets un support qui devient un désir, qui devient une émotion, qui devient une imagination. Tu as un support à ta psychologie, ce qui fait que tu ne t'ennuies pas. Les enfants vont s'ennuyer beaucoup moins parce que les enfants ont une facilité de justement de mettre un support à leur psychologie, à leurs émotions. Ils vont jouer avec un rien, ils vont rêver à rien. Bon, alors l'enfant lui-même, s'il prend le métro bien souvent, il va toujours jouer là-dedans. L'adulte, lui, qui, de par sa définition d'adulte, ne doit pas jouer, ne doit pas sourire, ne doit pas parler à personne, parce que tout le monde a peur que la personne la veut violer. Bon, tout le mécanisme que la société a instauré. Alors, ce qui fait que ta personne qui vit ça continuellement, c'est un petit ennui. Mais il y a des jours où ce que le métro est bloqué, parce qu'il y a une personne qui s'ennuyait. Puis, t'allais expérimenter comment c'était fait en dessous d'un wagon. Bon. Alors, la personne a fini par se suicider, mais c'est pas nécessairement une cause qui va être extraordinairement puissante qui va l'envoyer au suicide. Ça peut être une cause bien banale, à répétition, continuellement. Puis là, aujourd'hui, ça te tente pas de prendre le maudit métro, puis ça te tente pas de recommencer ta même journée, puis ça te tente pas ci, puis ça te tente pas ça. Puis sur le moment même, là, tu vois ton métro s'en venir, tu as automatiquement toute la perception psychologique de toute l'ennui que tu vas avoir à vivre, parce que l'homme a la possibilité de se souvenir, mais il y a aussi la possibilité d'imaginer un avenir. Puis, imaginant un avenir, si l'avenir est comme ce qui cause l'ennui, ben l'avenir lui-même va être plat. Puis, avant que la personne vive ce moment-là, elle s'ennuie déjà par rapport à un possible avenir, possible futur. Or, ce qui fait que tu as des suicides qui vont être dans des lieux publics comme ça, qui vont être dus, non pas une personne qui part, ça arrive, mais habituellement, c'est pas une personne qui part de chez elle, qui va faire une démarche physique, une démarche matérielle dans le temps et dans l'espace pour se rendre jusqu'à la station de métro, par exemple, attendre le métro pour se jeter. C'est très rare. Habituellement, c'est un mécanisme qui va se déclencher là, sur le quai du métro, parce que tu as trop pris. C'est rare, le monde qui a des automobiles qui vont se suicider dans le métro. C'est du monde qui prennent le métro habituellement. Ouais. Il faut absolument qu'ils prennent le métro pour se suicider dans le métro, ça c'est évident. Oui, mais si tu as un automobile, ouais. Tu n'iras pas te jeter devant le métro. Non, mais par contre, il y en a en automobile qui font sous des piliers de ciment. Oui. Alors, dépendant de ce qui t'ennuie, justement, exactement ça. Ce qui fait que le gros... Mais il y a eu une préparation mentale dans le cerveau de l'homme avant de faire ça. Non, préparation astrale. C'est-à-dire astrale, si tu veux, mais il y a eu rêvasserie, il y a eu projection dans le futur, comme tu dis tantôt, puis il s'est vu suicider se voyant mourant, pensant que ça réglait tous ses problèmes, peut-être depuis 5-6 mois, il pensait peut-être une fois par mois ou je ne sais pas à quel rythme. C'est-à-dire que ce personnage-là qui pense comme ça n'ira pas nécessairement se jeter devant le métro. Il va plutôt prendre des médicaments, se tirer une balle à travers la tête ou des choses comme ça. Il va être normalement dans le milieu où il s'ennuie. C'est rare qu'un individu se suicide dans un milieu où il ne s'ennuie pas. C'est habituellement tout le temps dans le milieu où il s'ennuie. Alors, c'est pour ça que là, on essaie de faire des métros plus décorés, des stations différentes, etc. Sauf que la personne n'arrête pas à chaque station et elle a fait toujours les deux mêmes stations. Hein? Alors, ce qui fait que c'est le même trajet, le même maudit autobus, le même monde. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que l'individu, lui, qui découvre un nouveau monde, c'est pour ça que toi, tu t'ennuies à mourir chez vous, tu penses te tirer une balle dans la tête. Si moi, je passe ou si le feu pogne, il y a de fortes possibilités que là, ça va instaurer un support à ta psychologie, puis là, tu vas être capable de trouver goût à la vie. Le moment, en tout cas, où ce qui va se passer de quoi? Si toi, ça fait longtemps que tu souffres l'ennui, ben là, c'est devenu pathologique. Tu vas peut-être réagir comme il faut à ça, comme un individu normal, mais ça n'empêchera pas que tu vas continuer à avoir des idées suicidaires par après. Okay? Alors, ce qui arrive, c'est que l'ennui, c'est simplement ça, c'est qu'il n'y a pas de support pour permettre à la psychologie de pouvoir s'exprimer. Puis la psychologie étant présentement ce qui contrôle l'être humain en général, je parle du physique, du vital, de l'astral, du mental, puis parlons de l'intelligence active, corps supramental. Alors, présentement, c'est la psychologie, donc le phénomène astral, c'est-à-dire que ce sont les mémoires, ce que les mémoires vont engendrer, les émotions. Parce que l'émotion, c'est quoi? C'est simplement un désir d'avoir une continuité dans quelque chose que tu as vécu. Alors, si tu as aimé un événement, tu as le désir de revivre, tu as le désir qu'il se poursuive, tu as un désir de continuité dans le temps. Alors, ce qui fait que ça, c'est grâce à ta mémoire. Parce que si tu veux un événement, tu ne le mémorises pas du tout, tu n'auras jamais le désir de le revivre. Il y a bien des problèmes que tu n'auras pas non plus. Alors, ce qui fait que présentement, vu que c'est l'émotivité de l'homme, donc son astral, qui domine tout son schéma au complet, ben lui doit s'exprimer. Puis en s'exprimant pas, par exemple, quelqu'un qui y va, qui est très religieux, si un jour il se fait convaincre ou il apprend ou il découvre que tout son schéma religieux, c'est toute une farce, ben les soirs où il y a la messe, qu'est-ce qu'il fait? S'il a découvert ça de par une démarche qu'il avait lui-même engendrée quelque temps avant, il n'y a pas de problème. Parce que quand ça va s'effondrer, la personne est prête, la personne continue sa démarche puis elle a du fun. Mais toi, qu'elle sait pas, à un moment donné, qu'il va à une conférence ou qu'il va à la télévision ou qu'il se lève un matin, puis crime, ça existe pas. Mais la journée que tu, normalement, tu y vas, que tu irais à l'église, qu'est-ce que tu fais? T'ennuies en tabarouette. Parce qu'il y a toute une habitude, donc un schéma mémoriel. L'habitude, c'est mémoriel. C'est une affaire que tu répètes continuellement parce que ça t'amène soit du plaisir, soit de l'assurance. Ou ça t'occupe, donc ça t'amène de l'assurance. Puis t'occupant, ça t'évite l'ennui. Ça met rien qu'un support à l'expression de ta psychologie. Mais à un moment donné, si tout le phénomène d'habitude disparaît, par exemple, je vois à Metz, quelqu'un qui perd son travail, c'est la même chose. Là, il est chez eux, puis le gars, il est mort. Il s'ennuie. Parce que tout le support, même si c'est un support qui était pas nécessairement constructif pour l'homme, c'est un support qui lui permettait de rester ce qu'il était, mais pas nécessairement d'avancer. Quand le travail ferme, on le met à la porte, ou bien non, que le gars, il prend ses vacances, il y en a qui s'ennuient pendant les vacances. Ils n'aiment pas nécessairement leur travail, mais ils ont hâte d'y retourner parce que le travail est justement un support à l'expression de leur psychologie. La personne qui se ramasse chômeur, ben il va se vivre dépendant de l'individu. Si l'individu est assez créatif pour se bâtir des supports continuellement, il y aura pas trop de problèmes. Mais pour la masse, c'est dur en tabarouette parce que toute la possibilité d'exprimer leur psychologie disparaît à un moment donné. Alors, une des clés pour éviter l'ennui serait de se tenir occupé dans quelque chose qui ça fait plaît. Longtemps que c'est connu. Maintenant, le dilemme, c'est que comment se tenir occupé quand on s'ennuie? Parce qu'habituellement, on s'ennuie et il n'y a rien qui nous intéresse. Un ennui qui commence à être assez fort, mais un ennui d'une soirée, là. Mais ça vient pas subitement comme ça. Il y a une préparation. Bien, c'est-à-dire qu'il y a une préparation qui peut être inconnue de l'individu qui va vivre l'ennui. Alors, toi, t'es heureux chez vous tous les soirs, puis d'un coup, un soir, c'est l'ennui. Alors, donc, t'étais pas au courant que t'étais pour t'ennuyer. Mais il y a des choses qui se passent qui font que tu t'ennuies. Alors là, ce que tu vas faire, si t'es créatif le moindrement, ben tu prends ton lit, tu changes de place. Tu prends tes bureaux, t'es mis ailleurs. Là, tu regardes ta chambre, c'est une chambre neuve. Puis c'est plus plaisant. Parce que là, tu viens de découvrir, tu viens de travailler, puis ta psychologie a un nouveau support pour pouvoir s'exprimer. C'est différent. Puis c'est pour ça que je te dis que quand un individu se suicide, il se suicide dans un endroit qui l'ennuie. C'est la cause de l'ennui habituellement. Alors, ce qui fait que tu vas changer ta chambre, tout ça, puis tu vas faire un petit peu de ménage, tu vois, puis là, plus que tu changes ça, plus que ça te pète. Ta soirée, elle t'ennuie plus. Parce que tu viens de mettre un support qu'on appelle la créativité pour pouvoir exprimer tes émotions ou encore ta possibilité mémorielle ou encore ton intellect. Ayant eu créativité, automatiquement, l'ennui disparaît. Oui, sur le moment même où il y a la créativité ou sur le moment où il y a contemplation de la créativité qu'on vient de faire. Parce que si on regarde d'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour se divertir, pour occuper l'esprit. Extérieurement, plus qu'on oui. n'a jamais eu. Il y a des gens qui passent la journée, la soirée complète, ainsi qu'une partie de la nuit à regarder la télévision. Et ils s'ennuient énormément. Oui, parce que tout ce qui est trop connu, l'astral, la psychologie de l'homme, a besoin, premièrement, vu que c'est juste mémoriel, elle ne connaît que ce qu'elle sait. Ça a l'air bien simple à dire, là. Ce qui fait que tout ce qui est nouveau, elle a un désir de le connaître pour pouvoir la rassurer. La psychologie de l'homme peut pas réagir à quelque chose de complètement neuf. Alors, ce qui fait que l'individu a donc peur de tout ce qui est inconnu. Parce qu'avec ce qu'il a en comme bagage, il peut pas réagir à l'inconnu. Bon. Si l'inconnu est similaire à ce qu'il connaît, il peut s'adapter. Bon. Alors, plus la fonction d'adaptation de l'individu est grande, plus l'individu devient opérationnel dedans son vécu. Bon. Mais si toi, tu as ta télévision, tu regardes, c'est le fun, t'apprends. Mais il vient un moment donné où, justement, tu peux t'ennuyer s'il n'y a pas d'émission qui appelle ta créativité, s'il n'y a pas d'émission qui appelle ta découverte de nouvelles choses, parce que tu dois découvrir de nouvelles choses pour pouvoir rassurer. Puis ça, c'est une parcelle de la psychologie astrale humaine qui doit s'exprimer, la découverte. Alors que tu apprennes à tisser sur un métier, que tu apprennes à faire de la peinture, que tu ailles suivre des nouveaux cours à l'école, que tu regardes de la télévision avec un programme qui est enrichissant, ça donne un support à ce phénomène-là de recherche. Puis l'individu se doit de rechercher. Sans ça, l'individu peut pas s'adapter à quoi que ce soit. Certains individus vont s'habituer à vivre sans recherche. Ceux-là vont être des femmes de ménage, justement, qui ne sortiront jamais de chez eux, qui vont faire leur épicerie à la même place, sont débattis le métro, ce qu'il y a tout le temps, ben là, ils sont un peu perdus pendant un moment donné. Il y a du monde qui peuvent s'habituer à ne pas avoir de recherche parce qu'eux autres vont créer continuellement dans le milieu où ils vivent. Alors, ils vont faire le ménage, ils vont changer des affaires, ils vont améliorer ça, ils vont faire de la cuisine, etc. Là, je parle pour une femme, il y a des hommes avec qui sont la même chose. Une personne qui est gardien de sécurité ou qui pilote dans un ascenseur, mais c'est un métier qui a des hauts et des bas, mais ça amène pas grand-chose. Alors, ce qui fait que... Tout dépend de la créativité du bonhomme. Oui, mais... Si en montant son ascenseur et en la descendant, selon ce que tu dis, s'il va se chercher un support créatif, s'il fait des plans pour quelque chose de constructif, oui, mais sans lui, se faire charrier par son travail, il vit. Oui. C'est ça. Mais tu as certains individus qui n'auront pas justement l'idée d'exprimer leur créativité ou d'exprimer leur recherche, mais qui vont être capables de vivre sans s'ennuyer. Oui. Il y a plus l'occasion qu'une autre personne que... Il est obligé de penser continuellement ou qu'il va travailler au téléphone, par exemple, ou son cerveau est obligé de fonctionner continuellement. C'est que l'homme, même si son cerveau fonctionne, l'homme recherche le changement. Pourquoi il recherche le changement? C'est pour la simple raison que, ça c'est un des mécanismes d'ennui, tu as quelque chose dans ta mémoire. Si je la réimprime, bien, vient un moment donné qu'elle est imprimée à son maximum. Puis je continue à la réimprimer, puis toi, là, t'es saturé de cette impression-là. J'imprime. Mais à un moment donné, là, tu veux plus rien savoir. Ça rentre plus. Ça rentre pas comme ça rentrait. Ça se digère plus. Alors, si t'es téléphoniste, il vient à un moment donné que ton téléphone, là, c'est pour ça qu'ils ont inventé les vacances. Les boss, ils ont pas donné les vacances, ça fait plaisir aux employés. Hein? C'est parce que les employés étaient plus rentables après à un moment donné. Alors, ce qui fait que quand tu réimprimes toujours la même chose, va voir un film, va voir Gandhi, c'est le fun à mort. Mais quand tu l'auras vu 3000 fois, tu vas voir que le film, il est plate en tabarouette. Pourtant, le film, c'est le même film. Il n'y a rien de changé là-dedans. La seule chose qui a été changée, c'est à l'intérieur de l'observateur. Simplement qu'à force de réimprimer ça, l'individu lui recherche de quoi de neuf. Là, il y a eu un support pendant un certain temps pour pouvoir exprimer ses émotions, exprimer son intellect, exprimer sa créativité, exprimer son sens de la recherche, etc. Puis là, je parle de tous les concepts qui s'expriment, ton sens de la justice, ton sens de la force. Bon, alors quand tu regardes, par exemple, Gandhi, ben là, c'est le fun à mort. C'est bien ou la guerre des étoiles qui te permet de rêver puis de pouvoir exprimer pas mal de choses. Mais quand c'est déjà fait, ça, que c'est déjà tout rentré au niveau de ta mémoire, chaque détail après détail, même le détail musical, ben, t'as plus de créativité, t'as plus de découverte. Automatiquement, il y a un trou qui commence à se creuser à l'intérieur de toi, puis ce trou-là, c'est l'ennui. Alors, si tu changes de film, ça va. Si je dis, moi, que le film, bon, on met une suite à ce film-là, ben il y en a plusieurs. T'as vu, il y en a même qui ont été campés deux jours avant l'ouverture des cinémas avec le film Le Retour du Jedi. C'est Le Retour des caves. Il y avait déjà toi sur le trottoir en avant qui attendait que le film ouvre, tu sais. Alors, ce qui arrive, c'est qu'eux autres ont vécu pendant longtemps avec, justement, un support qui était le « je veux voir ce film-là ». Alors, toi, si je te dis, par exemple, c'est important au niveau de l'ennui, t'es tanné de ton travail. Réponds au téléphone, réponds au téléphone, réponds au téléphone, ou ben non, fais des téléphones, fais des téléphones. Et puis là, mais tu sais que dans 3 mois, tu prends tes vacances, t'en vas en Floride. Ça, ça crée un support pour pouvoir exprimer. Alors, la créativité que tu peux plus exprimer sur le lieu de ton travail, tu l'exprimes dans ta psychologie, m'en aller en vacances, m'en faire ci, m'en faire ça, m'en faire ça. Fait que ça t'aide, ton travail. Puis quand arrivent tes vacances, ben là, tu sacs ton camp. Si tu as trop imaginé, ben là, tu vas avoir le défaut de la cuirasse, c'est-à-dire que ce sera pas comme tu as pensé, puis là, tu vas avoir d'autres problèmes psychologiques, mais ça n'a pas rapport à l'ennui. Alors, tu sers des émotions, une sorte d'émotion, pour imager, c'est-à-dire tu images avec émotion, ouais, pour faire un pont, pour te relier. Entre ton présent puis un possible avenir. C'est ça. Puis là, tu t'imagines que ça va être une réalité, tu y attaches l'importance, tu décides que ça va être ça, c'est une illusion. Ça, c'est un mécanisme anti-ennui. Oui, un mécanisme de protection psychologique naturelle chez l'homme. Mais l'individu qui a pas de vacances, ben s'il est capable, lui, de se dire « Moi, je fais mes téléphones, puis je travaille, ça me permet d'avoir de l'argent, puis je m'achète une maison. » C'est drôlement plus facile de travailler. Ou encore, ben à soir, je sors avec mes enfants, je vais avoir une vue. Je vais avoir de l'argent pour le faire. Si t'es conscient de l'énergie de l'argent, si t'es conscient de l'énergie que le travail, que ce que tu dépenses là, t'amène pour pouvoir faire d'autres choses, c'est la créativité d'autres choses que tu fais. Alors, si t'es conscient de ça, ça t'aide dans ta barbouille à travailler. Mais l'individu qui s'ennuie, moi j'ai déjà travaillé à des places. J'ai commencé comme assistant-chef d'un camp de vacances. J'ai bien aimé ça, mais on faisait du 25 heures du 25. Alors, c'est vraiment plate. Ça veut dire 7 jours sur 7, puis ça allait plus. T'sais. Puis 25 heures, c'est presque vrai. Bon, c'est ce qu'il nous demandait, là. Alors, ce qui arrive, je fais ça un bout de temps. Après ça, je me suis en allé au Guatemala. Alors là, je voulais plus m'ennuyer, là. Je me suis amusé comme il faut. J'ai travaillé avec des médecins de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Après ça, je suis revenu, je travaillais comme PTC. Mettons qu'il y a un terme moins vulgaire, c'est préposé bénéficiaire dans un centre d'accueil pour vieillards. J'ai fait ça 8 mois de temps. Sauf que moi, je travaillais parce que j'aimais ça. Moi, je travaillais de nuit, là. Je m'occupais juste de différentes choses. Et puis, à un moment donné, c'était plat. Bon, c'était tellement plate là, que je voulais m'en aller au Guatemala. J'ai demandé un congé sans solde, ils me l'ont refusé. Enfin, je démissionnais, mais ça allait au Guatemala. Mais les individus qui font pas ça, ben ils vont continuer leur travail, convaincus qu'ils doivent continuer leur travail, convaincus que s'ils changent, changement c'est épeurant parce que justement ta psychologie mémorielle a pas les connaissances pour pouvoir s'adapter à quelque chose de neuf. Mais l'homme qui change a une petite période de crise là qui peut durer 1 heure aller à 1 mois. Personne qui est quand même assez combatif va s'en trouver du travail. Moi, je suis revenu, j'ai fait un bateau. Je m'en allais coloniser une île en Polynésie. Tu vois que la nuit, je l'avais loin. Et puis, en 79, on a bâti un bateau et tout ça. Puis on a eu plein de monde. On avait un petit village au Guatemala. On avait du monde tout partout. Bon, je m'occupais de ça. Par contre, c'était prévu, là, à partir de d'autres lois qui régissent l'évolution de l'homme, là, que ça ne marchait pas parce qu'il y avait de quoi faire ailleurs au Québec avant. C'est justement, tu t'es tenu occupé avec des choses créatives. Ah ouais? OK, ça, c'est au niveau, ça, c'est l'ennui vis-à-vis le travail, vis-à-vis un quotidien qu'on doit répéter. C'est le même ennui pour n'importe quoi. Tu ne vois pas de différence avec l'ennui vis-à-vis un manque de compagnonnage, par exemple? Non. Non, pour la simple raison que si tu vis... ça fait, je sais pas moi, 5 ans que tu vis tout seul chez vous, t'es célibataire endurci, t'as un penchant pour les femmes, t'en perds pas l'équilibre. Bon. Alors, après un certain temps, ce qui va arriver, c'est que toi, tu ne peux plus exprimer toute ta vie à toi. Parce que tu as appris, tu as vu des hommes avec leurs femmes, tu as vu des femmes avec leurs hommes, là, dépendant si c'est un homme ou une femme. Tu as vu différentes choses. Tu as pu voir des enfants, tu as vu du cinéma, tu as vu la télévision, tu as des livres, tu as n'importe quoi. Une grosse mémoire de créer. Ben automatiquement, là, tu commences à t'imaginer que... Ben l'autre, il est peut-être plus heureux parce que bon, il y a une compagne. Ou encore simplement, tu découvres une compagne à un moment donné, puis là, il y a un échange d'énergie qui se fait. L'énergie peut être vitale. Je parle pas d'une relation, là, ça c'est vital aussi, mais c'est aussi énergétique. L'énergie peut être vitale simplement en termes, bon, tu peux aimer un homme, premier coup, on s'entend bien, il est le fun, tout ça, tu sais, puis tu t'en fais un chum, même affaire qu'une femme. Elle peut être émotive. Là, tu te rapproches de l'amour qu'on connaît. L'émotivité peut être engendrée par une perception physique, par une perception de sa voix, une perception intellectuelle. Tu sais, bon, la personne est calée. Une perception au niveau aussi de ce qui des intérêts. Alors, moi, je m'intéresse à ça depuis longtemps, puis l'autre avec, puis là, bon. Là, ça suscite automatiquement un support nouveau que tu connaissais pas, qui permet à tout ton schéma astral, tout ton schéma psychologique de pouvoir s'exprimer. Mais d'une façon que t'as pas connue. Si t'as pas, quand tu vois pas de femme, tu vois pas personne, t'es tout seul chez vous, ben, il vient un moment donné où t'as tout fouillé. Ta psychologie s'est exprimée sur tous les supports possibles qui étaient là, dans ta vie, là, que les événements t'ont apporté. Ce qui fait que, ben là, tu finis par être gazé parce que tu ne peux pas continuer à exprimer ça. Puis la psychologie de l'homme a pour fonction de grossir tout le temps. Elle doit s'exprimer. Une pensée existe quand elle existe. Bon, ben, il y a une émotion d'amour qu'on connaît, qui est un amour, entre guillemets, existe quand elle s'exprime. Sans ça, elle n'existe pas. T'as pas peur présentement. Et si je te fais peur, tu vas avoir peur. La peur va exister seulement quand elle va exister. Il y a un support. Il faut absolument qu'il y ait un support. La psychologie de l'homme n'a pas besoin d'exprimer tout en même temps. Mais il y a continuellement des choses qui doivent s'exprimer. Absolument. Alors, toi, tu vas lire, parce que ça suscite des phénomènes mémoriels, des remous mémoriels, puis ça donne un support. Tu vas vouloir voyager, tu vas vouloir... Bon, les films, ça pogne tant pour ça. Il y en a qui vont vouloir vivre, qui ont besoin d'un support pour pouvoir avoir l'impression qu'ils vivent d'une certaine forme. Alors, tu as des films d'horreur, tu as Jonathan Livingston, tu as des films d'amour, tu as des films de guerre. Si on regarde sur le côté pratique, Daniel, le bonhomme qui a vécu avec la bonne femme pour X temps, où c'était un gros support pour cette personne-là, et puis que pour quelque raison que ce soit, il y a rupture. Mm-hmm. À ce moment-là, on voit habituellement dans notre société une grande ennui. Ouais, le support est disparu. Le support, parce que le support... Comme le travail. Justement. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que tu peux conseiller aux gens de faire? Qu'est-ce que c'est qui serait logique à l'homme ou à la femme de faire pour, pas combattre, mais disons, éliminer cet ennui? Il n'y a rien de plus ennuyant que de combattre l'ennui. Éliminer l'ennui. Bon, premièrement, c'est sûr que si l'ennui surgit dans l'homme, c'est qu'il y a déjà un problème, il y a déjà une lacune. Puis quand l'ennui surgit, c'est bien compliqué de l'annihiler. Il y a un moyen de l'annihiler, l'observation. On reviendra tout à l'heure. La chose, évidemment, la plus évidente, c'est que tu vas t'ennuyer parce que tu as besoin de support pour pouvoir t'exprimer. Si tu calcules que les supports vont être ta compagne, vont être ce que les autres vont penser de toi, vont être les belles lettres de recommandation ou les lettres de félicitations que tu vas avoir à ton travail. Si tous les moyens d'expression dépendent de l'extérieur, ben toute ta vie psychologique dépend de l'extérieur. Alors, ce qui fait que toi, tu es assujetti à tous les remous extérieurs. Si quelqu'un décide que tu n'es pas aussi beau qu'il pensait, plaque, il y a un support qui disparaît, il y a une atteinte. Il y a différentes atteintes psychologiques qui vont toucher l'orgueil, qui vont toucher les concepts, qui vont toucher un paquet de choses là, dans tout le schéma de l'homme. Mais là, on va parler juste de l'ennui. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'importance que tu attaches à ton support détermine l'importance de ton ennui si le support disparaît ou si le support devient insuffisant. Puis ça, c'est déjà le gros, gros, gros point. Si moi, j'ai un auto puis que j'adore l'auto puis que ça me permet de me promener le soir, puis etc., puis j'aime ça, c'est évident que si mon auto, à un moment donné, disparaît, il y a un vide. Même chose à la mortalité de quelqu'un, il y a un vide. Je me fous bien du char, je me fous bien de la personne qui est morte. C'est moi. C'est un bon char. Ah, c'est une maudite bonne personne. En réalité, c'est un bon support psychologique à l'expression de moi-même. C'est là-dessus que moi je broye, c'est là-dessus que je m'ennuie. Alors, si j'attache une immense importance à mes voyages solitaires le soir, avec mon petit toit ouvrant, ma petite musique et tout ça, puis que tout ça disparaît, ben là, évidemment, l'importance est proportionnelle. Hein. Si je m'ennuyais, si j'aimais bien mon char, ben m'ennuyant en tabarouette de mon char. Alors, c'est la même chose pour n'importe quel support. Je parle du travail, je parle d'une compagne, tes enfants, c'est des compagnons, tes amis, c'est des compagnons. Que ce soit un support matériel, c'est-à-dire de toute façon une personne, c'est un support matériel, le support psychologique dépend rien que de toi. Tout ce qu'il y a simplement, c'est que plus tu attaches d'importance à ce qui te permet de t'exprimer, plus important va être ton ennui si ça disparaît. Puis quand t'es lié, quand ton bonheur, tu le laisses dépendre de l'extérieur, là, t'es malheureux souvent en tabarouette. Puis quand ta plénitude, t'en laisses dépendre de l'extérieur, ben tu t'ennuies, tu risques de t'ennuyer souvent. Puis ça, c'est incontrôlable par toi, parce que inconsciemment, tu as accrédité l'extérieur comme étant le support à ta psychologie. Ce qui fait que quelqu'un qui médite, ben, si à un moment donné, il y a une heure chez eux à rien faire, il va méditer. Il s'ennuiera pas. C'est un médicament temporaire à l'ennui, là. Je ne dis pas que c'est extrêmement constructif, la méditation. Mais une chose qui est sûre, c'est que la personne ne s'ennuiera pas et ne se garochera pas devant rien. Alors, un des phénomènes, là, qui est important dans le vécu quotidien de l'homme, c'est l'importance qu'il attache. De quoi il fait dépendre sa plénitude? Quand je parle plénitude, c'est parce que quand on a un ennui, à un moment donné, on se sent creusé, là. Alors, quand tu te sens bien harmonieux, bien plein, là, en pleine forme énergétique, psychologique, ben, de quoi dépend ta plénitude? Ça dépend de l'extérieur, là. Un maudit piège en avant de ça. Aujourd'hui, la majorité des gens placent l'extérieur comme priorité, pas comme support. Alors, est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller aux gens de faire vis-à-vis d'une situation? C'est-à-dire à l'intérieur d'une situation où, par exemple, si on prend un couple, que ça pourrait modérément bien aller, et puis ils ont été chercher à l'extérieur leur support familial, ainsi de suite. C'est vrai que le couple n'est pas une entité psychologique indépendante. Là. Chaque personne Chaque individu okay, a été cherché à l'extérieur, n'étant pas conscient qu'il faut qu'elle soit bien dans sa peau, bien comme il faut, avant quand d'avoir une relation de couple. Quand tu commences à ta femme que tu me rends la vie plate, puis que tu es bien plate à soir, puis flic, flac, flac, flac, flac, là, c'est justement parce que toute ton, ta plénitude dépend de l'extérieur. Alors là, vois-tu, tu as touché un point que je pense que ça... Oui, je sais. Ça touche beaucoup de la population. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couple doit faire à ce moment-là? S'il n'y a pas de couple à l'intérieur. C'est-à-dire individuellement, chacun. Qu'est-ce que chacun on parle doit... d'ennui. L'ennui au niveau du couple, l'ennui au niveau du travail, l'ennui au niveau de ta vie, c'est un ennui. Ah, mais moi, j'en reviens au couple. D'accord. Où, c'est-à-dire à l'individu dans le couple. Parce que selon moi, il y a, disons, il y a le support, comme tu dis, mais il y a aussi un autre manque. Tantôt, comme tu disais, la bonne bonhomme qui s'en va dans son automobile avec son toit qui est ouvert, puis sa petite musique, puis il fait ça tous les soirs, il aime bien ça. Mais c'est pas les 6 milliards d'individus qui aiment ça faire ça le soir. Il y en a qui aiment mieux faire d'autres choses. Oui, mais tout ce que t'aimes, ce que l'homme aime faire, c'est d'occuper, OK, son intellect. Faut pas qu'il réfléchisse trop à des questions trop grandes. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais ici? D'où je vais? Pourquoi? Comment? Quand? Puis là, quand tu... OK? Alors, tu vas écouter de la musique. Tu vas, bon, tu vas t'amuser. Tu vas avoir des relations sexuelles. Tu vas avoir des relations amicales. Tu vas simplement t'organiser pour que ton intellect tourne en rond. Tu peux carrément oublier ça par l'expression de ton émotivité. Là encore, la liaison conjugale a son importance. Conjugale, je parle pas nécessairement marié, là, mais en tout cas, bon. Ça, c'est très, très, très important. Maintenant, c'est qu'il y a deux choses qui sont interprétées par la psychologie de l'homme de la même manière. L'astral, c'est tout le phénomène mémoriel, le phénomène psychologique. Puis quand la psychologie commence à être intelligente, intellectuante, comme je dis souvent, quand la psychologie commence à être logique, ça devient le mental. Parce que c'est évident que là, je fais encore une petite différenciation rapide entre l'astral et le mental. Quand tu vois une auto, tu la trouves extraordinairement belle, c'est superbe, je veux l'acheter, alors je vais l'acheter, je vais me fendre dans la vitre et moi l'acheter. Ça, c'est pas intelligent, ça, c'est rien que ton émotivité qui te dirige. Si le mental embarque, ben là, on va dire, ça coûte de temps, moi, je vais appeler mes paiements, clic, clic, clic, je peux pas me la permettre. Donc, peut-être qu'un autre jour, on va pouvoir. C'est le mental qui prend la décision. La lutte entre les deux, ben là, ce qui va gagner, ça dépend si c'est plus astral ou mental. Bon. Alors, il y a réellement deux phénomènes dans l'homme, dans sa psychologie. L'une qui est mentale, qui est logique, l'une qui est astrale, qui est émotive. Bon. Les deux sont liés par la mémoire. C'est-à-dire que tu peux pas réfléchir sans mémoire, tu peux pas être émotif sans mémoire. Alors, ce qui fait qu'à l'intérieur de tout ça, tu as, toi, ton corps astral s'est mis des bras, des ficelles, pour aller percevoir l'extérieur. Les sens de l'homme, les sens physiques, entre autres, sont justement des tentacules du corps astral. Mais il y a d'autres sens. Là, je parle du sens tactile, gustatif, olfactif, auditif, visuel, etc. Mais il y a d'autres sens qui existent que chez l'homme, des sens qui sont au niveau de la peau. Alors, les sens cutanés, tu vas avoir justement un sens qui te permet de capter des vibrations émises par un individu. Alors, tu vas recevoir, par exemple, quand tu vas rencontrer la compagne de tes rêves ou ben non, différentes autres personnes, tu vas être bien avec elle. OK? Puis des fois, énergétiquement, justement, parce que là, c'est un de tes sens cutanés qui prend la relève. C'est pas visuel. Alors, visuel, tu peux la trouver bien belle, mais ça peut être un homme. Puis il n'y a aucun lien, je parle au niveau physique, là, au niveau sexuel, mais t'es bien. T'as une plénitude quand t'es avec. T'es rempli, t'es bon, OK? Il y a beaucoup, justement, de gourous qui vont se ramasser des disciples comme ça. Alors, il y a des sensus, puis l'autre, le gourou. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que toi, psychologiquement parlant, tu perçois ça comme étant quelque chose qui te rassure. Ça peut être ta femme, je te parle, là. Ça te rassure. Tu es bien quand elle est là. Tu vas mieux dormir si ta femme est dans la maison. Et vice-versa. Tu vas mieux lire. Tu vas mieux, etc. Tu te sens bien parce qu'il y a une plénitude qui est comblée, une plénitude énergétique. Ce qui met ici, cette plénitude-là disparaît parce que la femme commence par sa transformation psychologique à émettre d'autres formes d'énergie qui ne concordent plus avec les tiennes. Mais là, il commence à y avoir un conflit. Puis comme toi, ta plénitude, ta sérénité que tu avais à la maison, ben c'était ta femme. Mais là, si tu ne l'as plus, le support, justement, qui exprimait ta plénitude psychologique commence à se transformer. Ou si ta femme sac simplement son camp, ben là, évidemment, tu te ramasses encore tout nu. Puis là, tu t'ennuies pour la simple raison qu'il y a un phénomène que tu avais, qui était plaisant, qui t'amenait certaines choses, qui te rassurait, qui permettait à ta pensée de ne pas avoir à chercher. Parce que même si ta femme est sous l'assistance sociale, elle peut te rassurer au coton. Même si ta femme ne travaille même pas, juste la présence. Tu sais, à ce moment-là, il y avait une raison physique, il y avait un vital. Un échange d'énergie, parce qu'il y a du magnétisme dans des atomes. Ouais, c'est un échange vital. Au corps des deux individus. Et il y avait un besoin qui était ressenti sur les deux côtés. Alors, quand l'autre personne s'en va, là, ce n'est plus seulement astral. C'est-à-dire que c'est le juste manque, astral. Oui, c'est-à-dire que le support était vital. Il y a une partie du support qui pouvait être vital. Oui, sauf que qui s'ennuie, c'est pas ton corps vital, c'est pas ton corps physique. Quand tu as très faim, ton corps physique ne s'ennuie pas de la nourriture. Ta psychologie, elle, qui reçoit les stimuli émis par ses tentacules physiques, elle a peur. Elle se pose des questions. Elle veut... ça crée un problème. Mais le corps physique s'ennuie pas, lui. C'est pas le corps physique qui s'ennuie. Pas l'intellect non plus qui s'ennuie, c'est juste l'astral qui s'ennuie, c'est rien que le corps émotif qui s'ennuie, juste lui qui s'ennuie. Parce que lui fait des comparaisons avec ce qu'il a enregistré au niveau de la mémoire, puis avec ce qu'il aimerait que ce soit. Puis si c'est pas comme qu'il veut, s'il peut pas exprimer certaines choses, il s'ennuie. C'est évident que tu as, par exemple, tu manges. C'est la même chose. Là, réellement, c'est une énergie qui est matérielle. Si tu as l'approche, la proximité d'une personne qui, elle, au niveau d'énergie vitale, l'énergie magnétiste, du magnétisme, va te donner une nourriture aussi. Mais ce que tu vas rechercher, toi, c'est le feeling que ça t'apporte à ta psychologie. Donc, l'assurance que tu as, la plénitude que tu as. Si tu n'as pas faim, tu es bien. Là, tu es prêt à jeûner. Quand tu as faim, tu ne veux plus jeûner. T'sais? Parce que là, c'est ta psychologie qui perçoit ça. Bon, alors si tu as... De toute façon, c'est tellement la psychologie qui va recevoir ça que si tu occupes ta pensée... celui qui dort mange, ben pour la simple raison, le physique, il s'ennuie pas, lui. C'est ta psychologie. Un autre exemple, juste la différence entre le physique et le psychologique, là. Quand t'es couché, et puis que le cadran sonne, là, ça fait un mois en fil que tu fais 7 jours sur 7 à ton travail, là, et puis faut que tu te lèves. Le cadran sonne, tu regardes l'heure, puis c'est pas possible, t'sais, puis j'ai ça à faire, puis t'es fatigué, puis t'es paresseux. T'es paresseux parce que tu envisages déjà ce que tu vas avoir à faire. Qui est paresseux? Pas le corps. La psychologie est paresseuse. Parce que si le feu pogne dans la maison, tu réfléchiras pas. Puis ton corps va être en forme en maudit, lui. Le corps peut être fatigué ou ne pas être fatigué, mais il peut pas être paresseux. L'individu est paresseux. Il y en a qui dorment 12, puis 14 heures, puis rien à faire. Ils sont paresseux, ils sont lagineux. C'est la psychologie. Alors, c'est la même chose. Même si tu reçois énergétiquement parlant, par exemple, des énergies émises par une personne du sexe opposé ou du même sexe, ça t'amène une plénitude qui est copiée, qui est captée par ta psychologie, par ton astral. Puis lui, ben, il y a une recherche qu'il faisait, là, qu'il avait peur, parce que l'astral, justement, parce qu'il ne connaît pas l'extérieur autrement que par ses sens. Si tu deviens aveugle, puis si je te bouge les oreilles, puis tout ça, ben, je te mets les mains flottantes, puis je ferme tout. Il y en a qui ont peur là-dedans, là, parce qu'ils peuvent plus percevoir. Alors, l'astral a besoin de connaître. Si, toi, tu viens boucher ben des trous, parce que ton énergie vient justement combler des déficits que j'ai, ça me rassure. Ce que je recherche, c'est pas toi. Si un appareil électrique me mène la même chose, je vais être bien content. Mais il n'a pas pour l'instant, là. Mais les religions amènent ça. OK, il y a des appareils psychologiques qui amènent ça. Des philosophies, des religions, etc. Ouais, il y a des appareils électriques qui amènent des phénomènes physiques aussi, mais oui. C'est pas de celui-là qu'il fallait parler. c'est toujours un support extérieur. Tout le temps un support extérieur. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'ennui? Une. Il y a différents niveaux d'ennui, mais tu t'ennuies tout le temps pour la même raison. Pas pour la même chose. Mais la chose étant le support, tu t'ennuies tout le temps parce qu'il y a un déficit, il manque de support. Donc, tu t'ennuies tout le temps pour la même chose. Puis tu t'ennuies tout le temps parce que tu as décidé, tu as accepté, si tu ne l'as pas décidé, que le support à ton expression était extérieur à toi. Alors, moi, je suis un inventeur. Je commence à inventer, je crée. Je m'ennuie pas. Quand j'ai plus d'argent pour pouvoir bâtir mes affaires, là, je peux plus construire, je peux plus créer. Là, je commence à m'ennuyer. Parce que j'avais, dans ma psychologie à moi, ce qui était le plus gros était la créativité. Une créativité quand même, si le gars c'est un inventeur, c'est émotif. Si le gars était créateur, c'est intuitif. Mais j'exprimais, je m'ennuyais pas. Mais je me rends pas compte, pareil, que mon support à mes expressions est extérieur. Moi, j'ai l'impression que c'est en dedans de moi, là. J'y vais, puis je dessine, tu sais, puis je bâtis, puis tout ça. Mais quand j'ai plus d'argent qui rentre à l'autre bout, je peux plus. Puis là, je commence à m'ennuyer. Sauf si je suis un vrai créateur, puis que réellement, j'étais pas assujetti par les supports extérieurs. Moi, j'ai écrit des livres, parce que des moments donnés, j'avais rien à faire. Tu sais, il y a des fois que je fais quoi? Rien. Tu vas créer une façon de faire de l'argent pour être capable de continuer ta créativité. Oui, ça, c'est si tu es intelligent en plus d'être émotif. Si tu as une intelligence prime, au lieu de commencer à broyer parce que tu n'as plus de maudite scène, puis de crier, puis faire des protestations parce que le bien-être t'en donne pas assez, ben ce que tu vas faire, si tu es intelligent et non pas émotif, tu vas commencer à construire, à réfléchir, à mettre au point un moyen pour pouvoir rentrer de l'argent à l'autre bout, pour continuer à t'exprimer. Puis tu peux devenir très riche, puis être l'un des gars les plus spirituels qui aura pas sur la terre, même un des sages qui aura pas sur la terre, puis être millionnaire. Sauf au lieu d'être un sage, justement, qui gèle l'hiver parce qu'il n'y a pas d'huile pour se chauffer, ben lui, il gèle pas l'hiver, il passe ses vacances en Floride. Puis il continue à créer. Puis c'est normal que l'homme arrive, justement, à pouvoir rentrer assez de bagages matériels pour pouvoir s'exprimer. Mais faut pas qu'il donne une importance au bagage matériel pour pouvoir, justement, exprimer ses affaires, exprimer sa psychologie. Puis plus l'homme va devenir intelligent dans le sens intellectuel, moins l'homme va s'ennuyer, puis moins l'homme va avoir de problèmes avec tous les schémas astrales, tous les schémas psychologiques, justement, qui présentement le dirigent. Parce que c'est évident que la majorité de la masse, là je parle de la masse, l'individu de temps en temps est différent, mais la masse est dirigée seulement par les motifs. Ça, c'est évident. Toutes les réactions que tu vas faire, tu achètes un char, c'est par l'émotivité. C'est rare le monde qui achète un char là, avec leur intellect. C'est rare le monde qui achète une maison avec leur intellect. Ça arrive, de plus en plus, c'est normal. Le corps mental est de plus en plus développé. C'est sûr que c'est normal. S'ils l'achetaient pas avec leur s'ils l'achetaient avec leur intellect, on changera pas de modèle et de couleur tous les ans. Tabarnouche, non. Et sainte, non. Puis les chars sont drôlement plus pratiques. Ça fait longtemps à tabarouette qu'on aurait des chars économiques. Tu sais, mais non. Présentement, de moins en moins, c'est vrai. Par la force des choses. C'est la force des choses qui nous a amené à ça. Oui, mais c'est bon la force des choses, justement. C'est que l'homme, toujours inconsciemment, a créé un événement mondial qui l'oblige à prendre conscience de différentes choses. Puis qui l'oblige, justement, à devoir travailler de plus en plus avec son intellect. Quand on fout des ordinateurs dans les écoles, ceux qui connaissent l'informatique, qui connaissent les ordinateurs, sont d'accord. Ceux qui ne connaissent pas sont contre, parce qu'ils connaissent pas. Mais il n'y a pas d'autre. C'est un moyen absolument extraordinaire pour développer le corps mental à l'intérieur de justement de nos enfants. Il y a à un moment donné qu'ils vont devenir des ultramentaux, des génies, puis certains vont devenir des supramentaux. On va être bon. Alors, si je résumais, là, la meilleure façon de combattre l'ennui, ça serait de devenir créatif. En s'ennuyant pas. Mais est-ce que tu peux créer et t'ennuyer? Non. Alors, en devenant créatif. Ouais, OK. C'est oui, mais c'est pas pour la masse encore. OK. Ça s'en vient. Alors, c'est évident que d'ici quelques années, pour la masse, c'est le vont, pont. Ouais, l'individu va être obligé de créer. Il va être obligé de créer de force, là. Sauf ceux qui vont commencer à créer avant. Mais l'individu va être obligé. Puis créer, c'est quoi? Tu sais que créer, pour créer dans matière, créer, c'est transformer la matière. C'est ça. Bon, alors, fabriquer un bel appareil, c'est créer. Mais tu peux créer avec de la dynamite, tu peux créer avec des bombes, tu peux créer avec des grenades. Aucun problème. Tout ce que tu as besoin, toi, c'est un support à ta psychologie. C'est un fanatique qui veut absolument mettre l'ayatollah Khomeini sur le derrière. Tu as un support parfait pour ta création. Tu vas t'inventer des moyens, tu vas t'inventer des armes, tu vas t'inventer des moyens de défense, des moyens d'attaque, des plans, des stratagèmes, des choses orales pour convertir d'autres mondes. Bon, alors la création, bien vite, l'homme va avoir besoin de créer. Oui, pas mal. Il va être obligé de créer. Non, mais c'est pas dans ce sens-là que... Non, mais c'est dans ce sens-là que moi, je veux le dire. Parce que le résultat est le même, dans ce sens que la personne qui crée et, disons, quelque chose, automatiquement, son intellect, faut qu'il travaille. Il y a des énergies qui sont extérieures que l'homme capte, l'homme s'en sert comme support. Mais il vient un temps, puis l'homme, il va finir par s'en rendre compte que l'énergie doit être générée de lui-même. Au lieu d'être un miroir, là, puis de t'approcher d'une énergie, de l'avoir en pleine face, puis de la refléter, il va venir un temps où l'homme ne la reflétera pas, mais il va devenir cette énergie-là, puis il va la rayonner. Puis il y a une bonne différence entre refléter le soleil et rayonner les mêmes énergies. Alors présentement, nos enfants rayonnent de plus en plus ça. Hein? C'est dur en tabarouette pour les adultes, parce que là, l'enfant est un miroir pour l'adulte, là, puis l'adulte se voit là-dedans, puis il n'aime pas trop ça. Les enfants ont de la misère. Mais c'est évident que l'homme, plus l'homme va être intelligent dans le sens intellectuel, plus l'homme va être intelligent dans le sens supramental, c'est-à-dire qu'il va écouter son intuition et qu'il va avoir un discernement assez avancé pour pouvoir distinguer entre l'intuition et l'instinct ou l'émotivité, parce que toi, tu peux décider d'acheter ton char parce que c'est Dieu qui te le dit. Mais c'est-tu un Dieu intelligent qui te parle? Mais non, c'est un Dieu émotif qui parle. Si tu n'as pas le discernement, tu peux pas le savoir. Tu vas massacrer ta famille parce que c'est Dieu qui te le dit. T'sais? Autant que tu vas tout donner ton argent à telle affaire parce que c'est Dieu qui te le dit. Dieu ou n'importe quel grand maître. Là. Alors, ce qui fait que l'être humain va arrêter de s'ennuyer. Puis c'est tellement... L'ennui, c'est important. C'est un mot, t'as dit bon chemin. C'est un mot, t'as dit bon mécanisme pour permettre à l'homme d'arrêter de s'ennuyer. C'est original. Quand l'homme va être capable d'assumer sa solitude, l'homme va arriver à pouvoir dégager à l'intérieur de lui des énergies qu'il ne connaît pas. Ça serait le phénomène que l'ennui peut mettre l'homme dans la merde. Oui. Et étant là, il est obligé d'en ressortir. C'est ça. Alors, ce qui fait que toi, tu t'ennuies, et puis c'est normal l'ennui chez l'individu à cause justement de son schéma psychologique. Mais toi, tu commences à t'ennuyer, et puis... ton travail, c'est pas ça. Tu sais, je mets une vis après un char, puis j'ai jamais vu le char en entier. Je sais même pas, je mets une vis, moi. Avec mon appareil, là, puis je mets des vis, puis c'est tout. C'est la journée longue. Et puis, il vient un temps où c'est que je suis tanné. Et puis, je suis tellement tanné que je commence à m'ennuyer de mon travail. Puis là, là, il y a des formes qui se cassent, là. Travail, là, c'est pas ça. C'est pas ce que je pensais. Ça fait de l'argent, tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec mon argent? Bon, je vais voir des films, puis en fin de compte, les films, tu sais, tu commences à t'ennuyer avec. C'est un mécanisme extraordinaire, l'ennui à la condition que l'homme ait un intellect assez fort pour pouvoir s'en prendre conscience. C'est pas ça, puis c'est pas ça, puis c'est pas ça, puis la religion, puis les philosophies, puis les livres, puis ci, puis ça. Puis à un moment donné, là, tout tombe, clac, clac, clac, clac. Normal, c'est un cheminement parfait. Ça, le gars, là, c'est un élu. S'il suicide pas, évidemment. Alors, là, la personne, tout s'effondre, tout se défait. Et puis tu pars. Mais non, les supports tombent, mais il n'y a pas de réel support extérieur. Nous, on croit qu'ils sont réels, mais il n'y a pas de support extérieur. Si tous les supports qu'on a pour pouvoir vivre sont des supports extérieurs, là, c'est vrai que tu es manipulé. Puis tu es manipulé par l'extérieur, puis tu es manipulé par tes émotions, parce que tes émotions réagissent à l'extérieur. Crime, tu rentres chez vous, tu as peinturé le mur noir au lieu de le mettre jaune. Tu te mets à crier. T'es-tu manipulé ou non? Ben oui, tu réagis. Il n'y a pas d'intelligence à l'intérieur de tout ça. S'il y a de l'intelligence, crime, il l'a mis noir. Bon, on va y dire, puis il va le refaire jaune, si jaune le voulait. Bon, même si c'est ton émotivité qu'il veut jaune, ton intelligence est capable d'éliminer un paquet de traces en toi, puis d'éliminer un paquet de problèmes. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que tu t'ennuies. Toutes les formes tombent. Puis ça tombe, puis ça tombe, puis ça tombe, puis ça tombe. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu n'as plus rien. Puis quand il n'y a plus rien à l'intérieur de toi, tu commences à t'approcher d'un état où tu peux découvrir des énergies qui vont te supporter. Puis ces énergies-là qui vont te supporter, elles viennent de l'intérieur de l'homme. L'ennui, c'est bon. L'ennui, c'est que l'homme ne le sait pas. On va revenir après la pause. Alors, on prend une pause, et puis ceux qui veulent poser des questions par écrit, il y a des petits papiers sur les tables en avant, là, il y a des crayons aussi. Et puis vous me remettez les questions, puis je vais les poser à Daniel. Thank you. lost. But a painted sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him.